Avatar est à bord sur les routes de l'art sonore et nulle part ailleurs que sur les ondes sans frontières de CKRL. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et au choix musical et Marc Chaunet à l'animation. Donc pour présenter ce choix préparé par Bruno et pour vous parler un peu aussi des spectacles qui s'en viennent dans ce qui touche le rock progressif là ici à Québec dans les prochains mois, se concentrer sur les deux prochains mois. Il y a déjà pas mal d'événements, même à l'international, il y a un paquet d'événements dans le prog qui s'installent, qui s'organisent. Donc plus près de chez nous, au mois de mars, il y a pas mal de concerts qui touchent le rock progressif là. Le 8 mars, The Security Project au Palais Montcalm, ça c'est un pour ceux qui ont aimé là, la période Peter Gabriel, aussitôt qui a quitté Genesis, il a fait quelques disques, dont ses deux premiers disques et Security, donc The Security Project, qui présente le 8 mars donc au Palais Montcalm, un spectacle en hommage à ça. Et il y a également donc le 31 mars au Capitole, Tour de Capitole, il y a Yes, c'est à guichet fermé déjà. Le 22 mars, Dream Theater au Pavillon de la Jeunesse de Québec pour leur nouvel album. Et ensuite, les 3, 4 et 5 avril prochain, il y a The Watch, le groupe italien. C'est présenté ça par Terra Incognita, justement. The Watch de l'Italie qui viennent nous présenter The Seconds Out, les concerts, donc en hommage au disque Seconds Out. Les 3 et 4 avril, et en première partie, il y aura un groupe de Québec, Isos. Isos, c'est le projet du guitariste du groupe Inner Odyssey, qui il vient tout juste de sortir ce nouvel album-là, et il fera la première partie, donc, de The Watch. Également, la première partie de The Watch, le 5 avril, c'est au Centre d'art La Chapelle. Le 5 avril, c'est The Watch Plays The Watch. Donc, leur propre musique, c'est chanté en anglais. C'est un groupe italien, mais ils chantent en anglais. Avec Simone Rossetti et des pièces de leur nouvel album Tracks from the Alps, qui vient tout juste de paraître la semaine dernière, ou il y a deux semaines, pas plus. Alors, ça, c'est pour le mois de mars, le mois d'avril, et ensuite, ben, la convention Terra Incognita, là, ça, il faut garder vos sous pour le mois de mai. Les 16, 17 et 18 mai, au Centre d'art La Chapelle, avec Iz, le vendredi soir, il y aura en première partie le guitariste israélien Gadi Kaplan, et également le groupe de Québec Inner Odyssey. Le samedi, on a Glasshammer qui vient pour la première fois, avec leur nouveau disque Ode to Echo, et Néodim, également de Québec. Il y a également Fabio Zuffanti, le dimanche, en grande primeur, Unreal City de l'Italie, et Sonus Umbra. Alors, ça fait pas mal de trucs, mais il y a encore des billets, donc Centre d'art La Chapelle, allez sur le site et allez voir ça. Donc, Bruno nous a préparé un super choix musical, comme d'habitude, on se promène dans les la dernière année ou les deux dernières années, tout ce qui s'est passé dans le meilleur de ce qu'ils jouent. Et c'est toujours des super émissions. On y va en musique pour des grands blocs, quatre grands blocs. Le premier, donc, avec le groupe Sky Architect des Pays-Bas et leur deuxième album Dying Man's Hymn, la pièce de Breach. Ensuite, on a Nexus, leur plus récent album aussi, Hair, qui est paru en 2012. C'était leur cinquième album. Et la pièce La Carte Finale. Et également le groupe suédois Bright Eye Bryson, tiré de Believers and Deceivers, la pièce Pointless Living. On y va tout de suite en musique, donc Sky Architect, Nexus et Bright Eye Bryson, et on vous revient.

Pour la prochaine soirée du Ciné-Club Spirafilm au Cégep Limoilou, voyez le documentaire « Achat » relatant le voyage d'adolescents atteints de dysphasie lors de leur expédition en haute montagne au Népal. Le réalisateur Paul-Henri Callens ainsi que quelques participants seront présents lors de la projection. Rendez-vous à la salle Sylvain-Lelièvre du Cégep Limoilou le 24 février à 19h. Le Ciné-Club Spirafilm est présenté en collaboration avec le service d'animation socio-culturelle du Cégep Limoilou, le MCCF, Télé-Québec, monlimoilou.com, le Bal du Lézard, chez Fratelli et CKRL. Plus de détails, spirafilm.com. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille. Le dessin, c'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Dimanche 23 février 20h au Cercle 228 rue Saint-Joseph-Est, rouge contre bleu. Initié par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'Impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Un événement hors du commun. CKRL. Sur les ondes donc de CKRL, l'émission Terrain Incognita, on a entendu Ty Bryson juste avant. C'est de les Suédois. Believers and Deceivers, c'est la pièce Pointless Living qu'on a entendue. Il y avait eu Nexus et Sky Architect. Pour le deuxième bloc, ce que nous ont concocté Bruno, il y a d'abord Gösta Berling Saga qui est vraiment excellent, une musique... C'est sur Cuneiform Records, une musique donc assez différente, osée et moderne. La pièce Sortergarten, excusez la prononciation, là, c'est pas dans notre langue. C'est tiré de Glue Works, donc Gösta Berling Saga. Il y a également une rareté, Ad Infinitum, ça a été fait en 98. Et c'est l'éponyme, donc un album unique, la pièce Neither Here Nor There. Et il y aura également The Future Kings of England, donc de l'Angleterre, de leur second disque, Who Is This, Who Is Coming, la pièce Convinced Disbeliever. Voilà. Et c'est donc, on y va en musique avec Gösta Berling Saga, Ad Infinitum et The Future Kings of England. asleep at the wheel. A katana over mountain pain. Mountain pain. Tikiyo in the midnight hour. A soft voice calls as if to say. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Les artisans de La Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. Je suis Shooter. Je suis Blacklight. Je suis Danse Lassive. Je suis 100 décibels. Je suis périmé dans 6 mois. Je dure 2 semaines. Je suis fini dans 3 mois. Je ne suis plus valide dans 1 mois. Je suis désuet dans 120 jours. Je suis brisé dans 3 jours. Je suis dans le monde de la pub. La nature a horreur du vide. Une création définissant du Conservatoire d'art dramatique de Québec du 23 février au 2 mars. Le Chichio Café et l'Opineur du Chef, une symphonie de saveurs gourmandes et musicales. Un accord mets-son incomparable pour le plaisir de vos papilles et de vos oreilles. Le Chichio Café vous présente l'Opineur du Chef, animé par Denis Barry, une fusion de psychédélique, de pré- et post-Woodstock. Bien implanté dans l'espace culturel de Québec, le Chichio Café vous propose une fine cuisine italienne assaisonnée d'une musique aux notes décontractées. L'Opineur du Chef, les jeudis à 20h, seulement au 89. Wow! La Croche-Oreille est enfin de retour. Tous les dimanches à 21h, Jean-Pierre Gay et Gaétan Gosselin explorent l'univers fascinant de l'art audio. Aiguisez vos oreilles, ça va chauffer dans l'ouïe, ça va blirer dans l'aisse. L'Avatar est à bord sur les routes de l'art sonore et nulle part ailleurs que sur les ondes sans frontières de CKRL. Bruno et Marc de retour pour l'émission Terra Incognita. Ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était The Future Kings of England. C'était un extrait de la pièce Convinced Disbeliever, tirée de leur second album Who Is This? Who Is Coming? Et il y avait eu souvenir de 1998, la fin des années 90, avec Infinitum, un groupe américain. Ils ont réalisé un seul album éponyme. C'était la pièce Neither Here Nor There. Et il y avait eu également Gösta Berlings Saga de la Suède, tiré de Glueworks, leur second ou troisième album. Et une très belle pièce longue et expérimentale. Alors pour le troisième bloc, Bruno nous a préparé, on va avoir d'abord le groupe de Montréal, Mystery, tiré de leur plus récent album The World is a Game. Il y a également Anekdoten, un autre Suédois, tiré de Time of Day. C'est également leur plus récent. Ça fait quand même quelques années qu'ils l'ont réalisé. La pièce 30 Pieces jouera. Et également le groupe français Nemo, de leur plus récent album Le Ver dans le Fruit, et la pièce Le Fruit de la Peur. Mais d'abord, le groupe de Montréal Mystery, tiré de donc A World is a Game, la pièce Pride. What?

How does it feel to cry? How does it feel to have to hide? Can I help you for a while? Pride, just look me in the eyes. I thought you would be by my side, if only for a would it take to make all my dreams come alive? Only a word, give me just a sign, just a tie. Levez les bras au ciel. Ce matin, le poste. noire. Elles grandissent et persistent, engendrent le brouillard. Il ne reste qu'à faire croire. De la peur naît l'espoir. Je ne pourrais trouver le sommeil. Terrorisé, paralysé, qui peut ramener mon soleil? Ce matin, le poste me réveille et me donne la bonne nouvelle. Je ferai tout ce qu'on me dira pour enrayer, déraciner la peur qui m'étouffe entre ses bras. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. 89.1. CKRL. Québec. Au cœur du Vieux-Port, à quelques minutes du centre-ville, vous trouverez la boutique Écoauthentique. Il y a chez Écoauthentique un vaste choix de produits faits de matières recyclées, renouvelables, biologiques et équitables. Bref, des produits qui respectent la nature et les gens. Nous vous offrons également la plus grande sélection de produits du chanvre industriel à Québec. Venez nous rencontrer tous les jours de 11h à 17h. Écoauthentique, 160 rue Saint-Paul, écoauthentique.com. Cette semaine au cinéma Le Clap, voyez... Arouad, aventurier voyageur tour du monde, Dallas Buyers Club, Elle, esclave pendant 12 ans, le film Lego, Frozen, La Grande Bellezza, Her, L'Image manquante, The Invisible Woman, The Lego Movie, Le Loup de Wall Street, Mandela, un long chemin vers la liberté, Le passé, Philomena, La Reine des neiges, La voleuse de livres, The Wolf of Wall Street. Consultez l'horaire complet sur leclap.ca. Le Clap, le cinéma d'ici, d'ailleurs et bien plus. Les artisans de la Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 88 522 4373, labarberie.com. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat au Théâtre de la Bordée, au 315 rue Saint-Joseph-Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Bruno et Marc de retour avec vous pour cette dernière demi-heure de Terrain Incognita pour cette semaine. Alors, un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Ce qu'on a écouté juste avant, il y avait Nemo, le groupe français Nemo, qui vient tout juste de jouer, tiré de leur plus récent album, Le Ver dans le Fruit. Je pense que c'est leur 8e album. Et c'est un double. C'est un très, très bel objet. Puis c'est un très bon disque, franchement. Et c'était la pièce Le Fruit de la Peur, juste avant. Donc, il y avait eu Anecdoton, tiré de Time of Day, la pièce 30 Pieces, et Mystery, The World is a Game, la pièce Pride. Pour la dernière demi-heure, il y a d'abord le groupe turc Nemrud, leur second album Ritual, et dans le magazine Prog Resist numéro 75, qui vient tout juste de sortir, un magazine belge, il y a une entrevue avec le guitariste et chanteur de ce groupe, Monsieur Mert Gosai, et qui joue de la guitare et qui chante et qui est le compositeur derrière Nemrud. Et on écoutera la pièce Ritual tout de suite. Et donc, il y a une entrevue dans le magazine Progressiste avec cet artiste et il parle évidemment du fait qu'il a rencontré Frank Brunman de Eloy et ils avaient un projet donc d'enregistrer ensemble un disque éventuellement. Alors, on voit que c'est un grand fan et qu'ils sont amis. C'est pour ça qu'il y a tellement de similitudes avec le groupe Eloy. Et donc, on aimera Nemrud, Ritual, et on aura également Wobbler de la Norvège, tiré de Rites of Dawn. Et ce sera la pièce In Orbit. On y va tout de suite, Nemrud et Wobbler. Thank you. the sun of life. Messenger, the night, burning lights arise. People take their places, dance merry round. They were not fair. Sight. I'm feeling down in my sleep and dream again. is the sun and the moon. Tomorrow brought us closer to all the hidden things. What we Once in the dark, a hand stretched towards a spark, grasped a form, a shape, a circle square. Inside a sphere. Alors, c'est sur cette pièce de Wobbler tirée de l'album Rites of Dawn, la pièce In Orbit, que se termine l'émission Terra Incognita en ce 22 février 2014. Sur les ondes de CKRL, c'était Bruno Côté à la mise en onde et au choix musical, et Marc Chaunet à l'animation avec vous. Alors, restez des nôtres puisque Stéphane est là pour l'autoroute qui va débuter juste après. Alors, bonne semaine, à bientôt. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Hi! Faites un don pré-radioton de 20$ et plus ou achetez dès maintenant votre carte de membre de CKRL au coût de 25$ avant le vendredi 4 avril 17h et vous pourriez gagner le prix pré-radioton ou le prix membership d'une valeur de 150$. Adhérez ou faites un don en téléphonant au 88 640 2575 ou en ligne sur ckrl.qc.ca ou bien venez au 405 3e avenue à Limoilou. Encouragez votre radio préférée. Du 5 février au 2 mars, c'est la 15e édition du Mois Multi. Un électrisant programme vous transportera durant ces 27 journées de festivités. Spectacles multidisciplinaires, performances sonores et lumineuses, danse, art électronique, installations robotiques, sonores et interactives, cabarets multi et bien plus. Plus d'une centaine d'artistes d'ici et de l'étranger vous invitent à cette rencontre multidisciplinaire unique. Le Mois Multi, du 5 février au 2 mars, à la coopérative Méduse et chez plusieurs partenaires. moimulti.org. Du 18 janvier au 15 mars, le diffuseur d'événements cinéma et vidéo Antitube présente Panorama des cinémas du présent 3. Au menu, une sélection de films contemporains, d'ici et d'ailleurs, réinventant les formes cinématographiques d'avant-garde et souvent inédits à Québec. Les projections auront lieu les samedis à l'Auditorium Roland-Arpin du Musée de la Civilisation, au Studio P et au Complexe Le Cercle. Pour de plus amples informations et pour découvrir la programmation complète, visitez antitube.ca. Depuis 1995, Antitube présente le meilleur du cinéma à Québec. 89.1 CKRL. Québec. Les nuits en musique vous sont présentées par votre directeur musical, David. Ben voyons, le monde est donc ben cheap. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps. Bon, enfin, il y en a un qui allume. Ça commence à être le temps. Vers où tu t'en vas?